Waaw kii nag benn paa la woon, benn paa bu dëkkoon Medina. Xam nga Medina moom ay 250 R4 takat 2 ñoo fa nekk di daw. Paa bi nag am poste bu bees ministère de l' intérieur laa la wax nii. Kaay jox ko benn 4-4 boo xamante ne macha allah. Mu ñëw nag mu ne 4-4 bi buntu gàlla bi la koy gaare, ñëpp gis ni moom dawalatul 205 moo léegi ci 4-4 yi la nekk. Mu ñëw rek premier jour rek teg 4-4 bi bunt bi gaa wax nii pour gars yi gis ko dugg ci biir. Am benn boy bu romb gis nga 4-4 yi dañ ciy bind noonu 4x4 ci côté bi. Boy bi romb gis 4x4 bi jël xeer rek dóor égal 16 yox yom. Paa bi ñëw géeri gis égal mais tuuti mu xam bu mu gisee égal 16 bi jël oto bi yóbbu gars yi tefaraat ba mu naayis dóoraat 4x4 ba mu rafet. Ñëw deuxième jour mu tegaat ko pour ñeneen ñi gis. Dugg gàllem toog rek boy bi jaaraat gisaat 4x4 rek jëlaat xeer dóor égal 16 yox yoxam. Paa bi génnaat gis loolu ma xamul lu muy def rek paa bi jël oto bi dem yóbbu ci tolier bi ne ko dóoral ma 4x4 égal 16 comme ça boy bi kontaan mu bàyyi ma. Tolier bi defal ko ba mu naayis paa bi ñëw nag oto bi ne léegi boy bi na ma bàyyi ñeneen ñi gis oto bi. Paa bi dugg gàllem même boy bu rambat gis 4x4 égal 16 mu jël xeer mu dóor très bien.